Oui, c'est le lieu de parler du dialogue Nord-Sud. Alors là, je suis assez pessimiste. Je suis assez pessimiste car les pays développés ne veulent pas discuter avec nous sur les principes qu'ils nous ont enseignés à l'école. À l'école, vous nous avez enseigné, vous, Français, à discuter sur les principes de la rationalité et de la justice sociale. Or, aujourd'hui, dans le dialogue Nord-Sud, vous ne voulez plus accepter de discuter sur ces principes. Les pays développés sont de mauvaise volonté. Il y a eu beaucoup de sentiments et une dimension affective dans les relations franco-africaines. Mais la demande africaine est toujours allée de pair avec une grande lucidité. Les Africains savaient que dans les relations Nord-Sud, comme dans les relations franco-africaines, tout n'était pas possible, surtout dans le contexte de la grave crise économique qui a frappé le monde à partir de 1973 et qui, dans certains pays développés, a en effet renforcé une mauvaise volonté. Mauvaise ou bonne volonté, voyons donc quels sont les moyens, et notamment financiers, dégagés par la France pour répondre aux attentes africaines. Et pour cela, écoutons en octobre 1982 le président François Mitterrand s'exprimer sur ce point lors de sa visite officielle au Burundi.